mention CTTE qui figure sur certaines cartes grises est un raccourci pour camionnette. Les véhicules utilitaires légers, ou camionnettes donc, d'un PTAC maximum de 3,5 tonnes, sont soumis au même contrôle technique que les voitures particulières. C'est-à-dire qu'au-delà de 4 ans, ils doivent subir un contrôle technique tous les 2 ans. Mais un véhicule utilitaire léger doit être présenté à une visite complémentaire pollution entre le 10e et le 12e mois suivant le dernier contrôle technique obligatoire. Cela signifie en fait que tous les ans, les camionnettes sont obligées de passer dans un centre de contrôle technique automobile. Réponse A.